président de l'Association du hockey mineur de Roberval. En mon nom personnel et au nom du conseil d'administration, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année à tous les jeunes, parents et bénévoles qui rendent possible les activités. Et merci de nous encourager. Le personnel et la direction de Dolbeau Oxygène souhaitent joyeux Noël et bonne année à sa clientèle et vous remercie pour la confiance témoignée pendant la dernière année. Dolbeau Oxygène se spécialise depuis 1936 dans la fabrication d'équipements industriels. Dolbeau Oxygène, situé au 303 8e avenue Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0555 ou encore sur notre site web au www.do2.ca. Le site touristique de la Chute à l'Ourcq vous accueillera cet hiver. Plusieurs services vous seront offerts. Location de chalets, sentiers de raquettes, accès direct via les sentiers régionaux de motoneige, restauration avec service de bar et entrée gratuite sur le site. Pour plus d'informations, visitez lechutealourcq.com. On va parler de baseball. On avait dit qu'on allait le rappeler quand ça allait être fait. Quand on lui a parlé, il y avait de fortes rumeurs. Une transaction impliquant Giancarlo Stanton était imminente. Mais là, il y en a eu d'autres. Il y a eu Marcel Osuna. Il y a eu également Dee Gordon, qu'on ne s'attendait pas nécessairement, qui ont parti aussi. On va parler avec Pierre Arsenault. Salut, Pierre. Salut, ça va bien? Ça va bien. Tu as eu beaucoup de travail? Oui, disons qu'on a été très occupés, là, parce que, veux pas, quand il y a des rumeurs de transactions, nous autres, il faut se préparer pour toute éventualité. Et puis, je pense qu'on avait déjà parlé que, ouais. Pour nous, c'est un peu comme la période du mois de juillet, là, avant la date limite des transactions, où on doit vraiment là, creuser, regarder les équipes dont on a couvert pendant la saison, pendant l'été, okay. Et de voir les joueurs qui pourraient nous intéresser si jamais on décidait de faire un échange. Parce que quand tu fais un échange, comme avec Osuna ou même Stanton, il y avait plus qu'une équipe d'impliquée, ouais. Dans les rumeurs. Alors, c'est sûr que nous, on fait nos devoirs pour voir quel jeune joueur qu'on peut aller chercher justement d'une organisation. Alors, c'est du travail que tu fais à la maison parce que tu peux pas voir les joueurs jouer parce que les saisons sont terminées. Mais par contre, avec tout ce qu'on a à la main, là, au point de vue technologie, c'est facile d'avoir des appels conférences, beaucoup de travail sur les rapports qu'on a fait l'été et décortiquer un peu l'information pour voir si on peut arriver avec un plan d'attaque. OK. Quand une transaction comme ça t'appelle, avant de bâcler la transaction, le directeur général t'appelle, te dit hey, que j'ai un offre pour tel joueur. Là, toi, ce que tu fais, tu vas sortir tes rapports que tu as fait. C'est quoi en fait? Tu dis oui, ce serait bon, non, ce serait pas bon. Es-tu au courant de l'offre que l'équipe t'a faite? Ben, disons, ce qui arrive, c'est que moi, je prends contact directement, habituellement, avec le directeur gérant qui est avec nous, Michael Hill, parce que pour lui, ce serait difficile d'appeler tout le monde. Okay. Mais on a un intermédiaire entre le directeur gérant et nous, et c'est lui vraiment, là, qui est comme le quart arrière à la pointe sur un jeu de puissance. C'est lui qui va aller chercher toute l'information des dépisteurs. Et comme moi, parce qu'avec Stanton, il y avait une rumeur aussi avec San Francisco, Saint-Louis. Alors moi j'ai couvert San Francisco dans les deux dernières années, j'avais leur système au complet, alors c'était à moi de vraiment faire mes devoirs, de regarder mes anciens rapports, d'essayer de contacter des gens dans l'organisation que je connais bien pour essayer d'avoir le plus d'informations sur les joueurs, parce que c'est sûr et certain que les joueurs, ils ont des attributs, ils ont des outils, mais c'est important de savoir aussi si c'est des bonnes personnes, si c'est des travaillants, si c'est des gars qui s'entendent bien au point de vue d'équipe. Alors, on essaye vraiment de creuser puis d'aller chercher certains petits détails qui peuvent peut-être vraiment nous aider dans le futur, pas seulement au point de vue talent, mais au point de vue de quelle sorte de joueur qu'on va avoir en retour. Alors, moi, je travaillais sur mes organisations. D'autres dépisteurs travaillaient sur leur organisation. Et toute cette information-là, justement, s'en va au directeur gérant et c'est lui avec son groupe qui décide de quels joueurs qui vont attaquer. Là, c'est une transition, c'est un cas spécial parce que c'est pas une vente de feu, mais pas loin. Là, c'est d'aller chercher la meilleure transaction possible. Mais t'as-tu un délai? Parce que j'imagine, parce qu'on entendait plusieurs rumeurs impliquant Giancarlo Stanton. Regarde, là, ça fait partie des pourparlers. Donc, j'imagine que ça veut dire que San Francisco a fait un offre sur la table, Saint-Louis a fait un offre sur la table, et c'est les Yankees à la toute fin. J'imagine que t'as un délai à produire assez vite ton rapport, parce que là, l'offre que l'équipe a sur la table, elle sera pas là pendant 3 semaines. Non? Oui, t'as entièrement raison. C'est pas un travail que tu dis à ton boss, ben, je vais regarder ça pendant la fin de semaine, là, puis je te ramène ça lundi. Non, non. Souvent, là, quand ça vient à des transactions, surtout au mois de juillet, et comme celle-là, c'est des choses qui peuvent arriver dans l'espace de une demi-journée, une journée, deux journées, on ne sait jamais. Alors souvent, c'est des choses qu'on doit faire très rapidement, et tout le monde est conscient que faut, tu sais, c'est urgent, là, dans le sens que les joueurs qu'on va aller rapatrier, aller chercher, mais souvent, il faut le faire assez rapidement parce qu'on veut pas perdre l'opportunité. On veut pas que l'équipe, justement, comme tu as mentionné, ils ont une offre sur la table. On veut pas qu'ils la retirent en raison d'un... Ça peut s'ébruter aussi. Il faut pas que ça s'ébrute non plus, l'offre que tu as sur la table. C'est là peut-être que les rumeurs de transactions partent. Hein? Oui, exactement. Mais dans le cas de Stanton, c'est un échange qui est différent des autres. Différent d'Ozuna en raison du contrat du joueur aussi. Okay. Parce que dans le cas de Stanton, le montant d'argent que les Yankees ont décidé de payer pour Stanton et le montant que nous, il nous reste à payer... Ça, c'est très, très, très, très, très important. Il ne faut pas se le cacher. L'argent, c'est très important dans une transaction de baseball. Alors, pour nous, de sauver 255 millions ou 260 millions, juste ça, c'est comme... Ouais. Ça fait partie de la transaction. Alors, c'est sûr et certain que tu vas avoir moins de joueurs en retour en raison des gros dollars qui sont impliqués. Si les Marlins, si on avait décidé d'avaler la moitié du contrat, disons, de payer 130 millions du contrat... Ben là, on aurait eu plus de joueurs en retour. Alors, c'est un choix que tu fais comme organisation. Et pour nous, se délaisser de Stanton, ça nous fait mal. Mais on enlève le contrat qui était sur les livres. Et ça, ça nous permet de peut-être justement de prendre cet argent-là et de faire d'autres choses avec, de l'allouer quelque part d'autre dans le réseau de développement ou avec certains joueurs. Alors, parce que quand tu regardes la liste des ligues mineures maintenant, des Marlins, on s'est grandement amélioré dans les dernières semaines. On est allé chercher des jeunes joueurs de qualité qui, dans quelques années, ont des chances de vraiment aider les Marlins au niveau majeur. C'est peut-être que ce qu'en 95, on n'a pas fait, là, les expos et autres. On aurait mis Marquis Grissom, tu aurais mis 3, 4, 5 équipes en compétition que tu aurais peut-être eu plus aussi. Là. J'ai eu l'impression qu'on les a donné plus qu'on les a échangés. Mais je veux revenir sur une transaction. Je n'étais pas participé à tout là-dessus. Mais ça m'intéresse grandement. Tu dois être au courant de comment que ça se passe une transaction dans le sport professionnel. Tu sais, les gens qui disent à Montréal, qui reprochent à Marc Bergevin de ne pas avoir été un joueur de centre, moi je dis tout le temps, c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Donc c'est un peu le même principe. Là. C'est parce que c'est pas juste être assis dans le salon, tu dis j'échangerai un tel contre un tel. Il y a tellement d'affaires à regarder. Hein. Oui, ça, t'as raison. Parce que. Souvent, nous, je parle souvent du mois de juillet parce que c'est la date limite des transactions, mais ça, souvent, je vais couvrir une équipe pendant 3-4 semaines et tu arrives à la date limite et dans ta tête, tu penses que tu as un échange avec l'équipe que tu couvres et à la dernière minute, puis ça, c'est arrivé il y a 2 ans, à la dernière minute, c'est l'autre équipe qui a décidé justement juste avant minuit, on avait eu un appel disant « Oh non, on a changé d'idée ». Alors souvent, tu penses que tu as une transaction en poche, mais tant aussi longtemps qu'elle n'est pas réalisée, il n'y a rien qui est fait. Puis ça prend toujours deux hein, pour danser. Ah oui. Et dans le cas du Canadien, c'est la même chose. Je suis certain qu'il aimerait ça faire des transactions, mais c'est pas aussi facile que les gens le pensent. Il n'y a personne qui va avoir de la niaiseuse d'une transaction. Mais tu as soulevé tellement un bon point parce qu'on parle de différentes transactions. Les expos en 95, ça, on avait un fusil à tempe. Toutes les équipes le savaient que les expos devaient se départir de salaire. Alors, toutes les équipes se sont mises en ligne et puis ils savaient qu'il n'y avait pas besoin d'offrir grand-chose pour avoir tous nos bons joueurs. Et Grissom, c'est un exemple parfait. Je pense qu'on a eu Kramer, un receveur, Tony Tarasco, Jimmy Kramer. Tu sais, je veux dire, des joueurs où jamais de la vie qu'on aurait dû avoir des packages comme ça pour un gars comme Marquis Grissom. Parce que la chance de Stanton se compare-tu? Parce que tout le monde savait que vous vouliez vous débarrasser de Stanton à cause du gros contrat. Est-ce que ça se compare un peu dans les deux cas, les deux transactions, par exemple? Moi, je trouve que ça se compare pas parce que, premièrement, on a laissé les... Faut se dire la vérité. Stanton, c'est lui qui avait toutes les cartes dans son jeu. C'est lui qui pouvait déterminer dans quelle équipe qui était pour aller, et c'est justement ce qu'il a fait. parce que il voulait pas aller à Saint-Louis, il voulait pas aller à San Francisco. T'sais, tout le monde savait qu'il voulait aller à Los Angeles, mais ça, on savait pas qu'il voulait pas aller à Saint-Louis et à San Francisco. C'est lui, en bout de ligne, qui a décidé qu'il voulait pas aller là. Alors déjà, c'était un peu plus difficile, mais par contre, le fait qu'une équipe soit prête à prendre son contrat au complet, à part peut-être 30 millions, là, ce qui est des peanuts sur 290 millions qui restaient, moi, je trouve que c'est pas la même chose, même si on a décidé qu'on était pour les changer. On est allé chercher quand même quelques bons jeunes, sont très jeunes, mais de jeunes espoirs, mais c'est surtout le fait qu'on a été capable de se départir du contrat qui peut nous aider dans les années à venir aussi. OK. Bon. Mais dans le cas de Grissom, Mike Hill, on parlait Danny de Mike Hill, Danny Stone. Hill, Larry, tous les joueurs qui sont partis dans l'espace de 48 heures, Wetland, ouais. Tu sais, ça, c'était vraiment une vente de feu. C'était vraiment... les propriétaires voulaient se débarrasser des contrats sur les livres. Et, tu sais, moi, je trouve que ça, c'était pas la même chose parce que on a fait la preuve qu'on était prêt à prendre n'importe quoi. Ben oui, c'est ça. C'était pas du tout la même affaire. Mais Pierre, les gens en Floride sont furieux, hein? Et avec raison, je pense. Je sais pas si tu as vu ce que Dan Lobater, une émission à Miami... Ouais. Une émission de télévision chez Encore Baseball le Mi, où ce qui interroge Robert Manfred. Est-ce que c'était, c'est sûr que là tu pourras pas le dire parce que tu pourras pas nourrir le pain qui te nourrit, mais quand même, est-ce que dans le fond là, le taux d'endettement de la, on avait les moyens d'acheter mais on n'avait pas les moyens de l'opérer, c'est tout ça que ça veut dire? Moi je pense pas. Okay. Je pense que c'est pas le fait qu'on avait les moyens de l'acheter, mais pas les moyens de l'opérer. Je pense qu'ils veulent être plus responsables. Je pense qu'ils ont décidé de pas seulement lancer de l'argent au problème, mais de continuer d'empiler les sous, puis une pièce après l'autre, et d'essayer de faire un peu du patchage, de mettre des échelons sur des blessures. Alors, je pense que... on a décidé de faire un revirement de cap de 180 degrés, de dire, OK, ça va faire mal, ça va être difficile, mais on va essayer de reconstruire de la bonne façon. Tu sais, on regarde les Leafs de Toronto, tu sais, au hockey, je pense, eux, ils ont eu la décision difficile à prendre aussi. Tu sais, ils essaient toujours de lancer de l'argent envers leurs problèmes, en allant chercher un joueur ici pour patcher, aller chercher un autre joueur là. Et c'est un peu ce que les Marlins faisaient dans les dernières années. Moi, je trouve... ce qui nous a vraiment, vraiment fait mal, c'est le décès d'José Fernandez. Ah. Moi, je pense que ça, là, ça a été un élément déclencheur dans le sens que c'est pas un gars que tu peux remplacer. Ça, c'est un gars que tu peux peut-être remplacer dans 10, 15, 20 ans. C'est comme un Connor McDavid, un Austin Matthews. Au moins avoir de quoi pour. Si t'arrêtes, c'est ça. C'est une transaction, en tout cas, tu te dis, regarde, c'est... Mais tu te dis, mettons que tu échanges un... mettons que Stanton, mettons que vous faites la même affaire avec Fernandez, là, mais tu, au lieu de décéder, vous l'échangez. C'est moins pire un peu, vous avez de quoi, mais là, vous avez rien eu. C'est ça, on n'a rien eu, ouais. Et puis, tu sais, le fait que tu perds une bonne personne au sein de ton organisation que les gens admiraient et aimaient, alors ça nous a donné un coup de pied dans le derrière, ça nous a vraiment pas aidé, là, ça a été difficile pour l'équipe à récupérer, mais on a décidé de faire un virage, et puis moi, c'est excitant dans le sens que tu regardes des bons jeunes joueurs qui arrivent, tu sais, dans la transaction Ozuna, ça, c'était un gars qui était sous contrôle pour les autres équipes, alors lui, c'était attrayant pour une équipe d'aller chercher Ozuna, parce qu'ils vont pouvoir contrôler un peu son salaire pour les prochaines années. Alors, c'est pour ça qu'on a été capable d'aller chercher un Alcantara, un Signori. Je veux dire, on a été capable d'aller chercher des joueurs, des bons jeunes joueurs dans leur réseau des filiales, en raison du contrat de Zuna, qui était très facile, justement, à avaler pour une autre équipe. OK. Pierre, si tu permets, je veux faire une pause. Je veux te parler de l'autre, vos cousins en Floride qui ont fait une transaction également très contestée, semble-t-il. Allô, l'aube de la nouvelle année, toute l'équipe de UAP Napa de Chibougamau profite de l'occasion pour souhaiter une très belle période des fêtes à toute notre distinguée clientèle et vous remercie de leur encouragement pendant l'année qui s'achève et vous demande d'être extrêmement prudent pendant cette période de réjouissance. UAP Napa au 890 3e rue à Chibougamau au numéro de téléphone 418-748-6426. la période des fêtes est arrivée. Nous profitons de cette belle occasion pour laisser la routine de côté, se reposer et partager avec nos proches des moments précieux de joie, d'amour et d'amitié. Toute l'équipe de services financiers Jacqueline Doucet vous souhaite beaucoup de bonheur, de paix et de sérénité pour la nouvelle année ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers. Pour rejoindre l'équipe des services financiers Jacqueline Doucet, 418-276-6170. Le temps des fêtes est déjà arrivé et il est grand temps de remercier les gens qui font notre succès. Et l'équipe de Pega Informatique aimerait remercier sa clientèle qui la soutient pendant toute l'année. Pega Informatique se spécialise dans les solutions d'informatique pour le secteur commercial et industriel. Pega Informatique est située au 747 boulevard Vézina d'Olbou-Mistassini au 418-276-2108. On est de retour à DanRadioSport.com. Pierre, tu sais, c'est sûr que moi, en tant que partisan, je la comprends, la réaction des fans de Miami et également de la Floride, parce que je viens tanner. On peut en faire une, mais pas en faire deux, puis trois, puis quatre des transactions. Fait que, mais des ventes de feu. Celle de Evan Longoria, est-ce que c'est celle de trois à Miami? Parce que semble-t-il que Frédéric Daigle de la presse canadienne me disait qu'il est allé voir les réactions à Tampa, dans le Tampa Times. C'est ça, ou Tampa Tribune? Je pense que c'est Tampa Tribune. Et il disait que les spectateurs, les amateurs à Tampa sont en furie. Tu sais, à un moment donné, quel signal t'envoies, là? T'as perdu Joe Maddon, t'as perdu Evan Longoria, David Price. Mais Fred me disait que c'est probablement la pire de toute la gang. Ouais, ça a été... Disons que pour l'État de la Floride, souvent les deux équipes sont mal menées au point de vue médiatique à raison justement des faibles personnes justement qui vont dans les deux stades. Alors déjà, c'est difficile pour les gens de la Floride. Et là, de voir leurs meilleurs joueurs, leurs meilleurs éléments, puis un gars comme Evan Longoria, ça a été, je sais pas si t'es d'accord, ça a été la vedette de cette équipe-là depuis que l'équipe est arrivée à Tampa. C'est un gars qui a connu tellement de succès avec cette organisation-là. C'était le visage de l'organisation. Et de faire une transaction et de l'échanger, c'est jamais facile. Mais il faut regarder l'autre côté de la médaille. Tu sais, Longoria, une saison un peu plus difficile la saison dernière. Eux aussi ont peut-être décidé de faire un certain virage et d'aller chercher peut-être d'autres jeunesses, des jeunes joueurs, pour essayer de bâtir dans le futur. Parce qu'on le sait qu'eux autres, les revenus, c'est plus compliqué que les gros marchés. Alors, souvent, ces équipes-là tentent d'être très, très, très créatifs et de faire certaines choses que des équipes riches n'ont pas besoin de faire. Mais une chose que j'ai aimée, au moins dans l'échange de Longoria aussi, c'est qu'ils sont allés chercher des jeunes joueurs, des prospects qui ont le potentiel de vraiment, vraiment là, aider cette équipe-là dans une couple d'années. Parce qu'ils ont un jeune comme Willy Adames qui joue à l'Aréco dans le 3A. Lui, il est venu des Tigers de Détroit dans une transaction avec Price. Ils ont le jeune Christian Arroyo, le jeune Matthew Hook, le lanceur. Alors, ils ont des jeunes joueurs qui ont une chance de pas seulement être des joueurs des ligues majeures, mais peut-être être des joueurs d'impact. Alors, c'est sûr que c'est difficile pour les gens de Tampa. Ouais. Je suis certain qu'ils sont pas contents, mais tu sais, je veux dire, Tampa peut se retourner de bord, mais ils le feront pas, puis dire, ben oui, mais vous venez pas supporter l'équipe au stade. Alors, les revenus sont moindres que d'autres équipes. Alors, tu sais, c'est comme le chien qui court après sa queue, hein. Mieux que les expos, hein, puisque on l'a très bien connu, ça, avec les expos, puis ça, c'est pas un processus gagnant. Quand tu commences à faire ça, c'est le début de la fin. Oui, t'as entièrement raison, quand tu commences à blâmer ton stade, les partisans, ben, je trouve que c'est la pente, là, elle commence à être pas mal abrupte pour sortir du trou, parce que on dirait qu'il y a trop de choses qui sont contre toi. Mmh. Et quand les partisans commencent à se revirer contre l'équipe, ben là, c'est encore plus difficile à manœuvrer. Oui, effectivement. Puis Pierre, je vais te dire une très, très belle période des fêtes. On va peut-être s'en reparler. C'était super intéressant l'entrevue, parce que je suis bien content de savoir comment ça se fait une transaction, comment ça se bâtit. On le savait un peu, mais le fait que tu étais impliqué dans le processus de Giancarlo Stanton, ça nous éclaire un peu plus comment ça se fait. Puis peut-être on va s'en parler au camp d'entraînement. Bien, ça me ferait énormément plaisir et je te souhaite tes joyeuses fêtes et tout le monde qui est à l'écoute. Bien, merci beaucoup. Voilà, Pierre Arsenault, dépisteur des Marlins de la Floride.